te fait très bien, nous te vivons très bien. Depuis, nous fin mariés, vous voulez changer cher. Yo te toujours dit femme et gâte. C'est qu'on y est à moi, vinoué ça. Cependant, moi pas de penser au ta même transaction. Moi résiens subitement. Ma chère souffle à joindre parent. Ma bien content. Où m'est allé, chérie? Son seul bagage m'a pensé.